Ferryman. Jam Session. Poussif, ça monte lentement, lentement, comme un mauvais scénario, ça monte. Oh oh, jusqu'aux pattes, au cerveau, ça te remonte tranquillement, sensation. Ça vient Des pieds jusqu'au cerveau. Truc de fou, truc de dingue, truc de psycho. Comment? Oh, comment? comment. Et comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, lâcher prise jusqu'à quel point. Comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment. Comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, comment, I must be crazy. Oh, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on, come on. Come on, dance with me. Au pied du volcan, viens danser, ma chérie. Come on, come on, come on, my baby. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Dance with me, my baby. Baby, that's a good. Very much. Comment? Oh, comment? Et comment? Comment, comment? Make sounds with me. Le ninja vie. Yeah. Oh, comment? Oh, comment? Comment, comment, comment, comment. Come on, you come on, Ninja Mess. Between time and space, continents, we are making sound. We come out. Frères humains qui avec nous vivez, n'ayez contre nous les cœurs trop endurcis, car si de nous pauvres avez, nous aurons pitié de vous aussi. Ah, frères humains. Mon frère, Baba Matete, oh, oh yeah. Contre moi, le cœur trop endurci. C'est la violence. C'est le système. Avoir peur, ne plus se laisser distraire des arsenaux. No wait, no hope. Push the present door. About to make noise, about to make music, about to share it with his ninja MCG. Thank you, my brother. Such a pleasure to be there. No wait, no hope. Here and now. About to make noise, about to make music. Yeah. Aha. Aha. Aha. Yeah. C'est la beauté. C'est la beauté du monde. C'est la beauté. La beauté du monde. La beauté de la process evolution. Les oiseaux, les cascades, donne-moi. Donne-moi ta main, camarade. Tu viens d'un pays où les hommes. Qui m'aiment les rois peuvent donner loi. Donne-moi ta main. à qui même les rois ne peuvent donner le droit. Les hommes sont les âmes, les âmes. Donne-moi ta main, give me your hand, come, give me your hand, camarade. Où les femmes sont beaux, où les hommes sont rois. Thank you very much. Da da.